Allez, ça va les amigos? Vas-y, ouais. Ernesto. Ouais. Hey, vous savez qu'hier soir, l'équipe TV a rediffusé France-Belgique avec le but d'Umtiti. Dire que je commençais à aller un peu mieux. T'as eu mal. Bande de bâtards, là, ça m'a donné envie de crever dans un raté d'Olivier Giroud, quoi. Franchement. Au moins, je pourrais crever dans plein de manières différentes. Ceci dit, pour être honnête, je vis dans un pays qui est pas prêt de gagner quoi que ce soit. Dimanche soir, notre première ministre, elle a déclaré solennellement à la télévision, il y aura un avant et un après Covid-19. Allez! C'est pas vrai! T'es sérieuse? La crise du coronavirus, ça va quand même. C'est pas non plus comme quand Johnny a été viré des pubs Optique 2000, hein. Là, je m'étais dit, ah ben, ce ne sera plus jamais pareil! Bien sûr! Qu'il y aura un avant et un après. Il y aurait une cassure entre les gens qui arrivent à être productifs et les autres. Moi, j'ai des potes humoristes, ils me font, moi, je profite du confinement, j'avance à fond sur mon troisième spectacle. Moi, je suis là, ah ouais, moi, j'ai récuré mon four. Il y avait des bouts d'ongles collés sur la grille. Ça a été une chicane pour tout revoir. Sérieux. Chaque fois que Nagui demande à Tom Villa ou à Marina Rollman ce qu'ils vont faire après l'émission, ils répondent, ah bah, on va écrire un petit peu. Je suis là, bande de bâtards! Et je leur fais un gros doigt d'honneur comme ça en dessous de la table avec mon orteil. Comment ils font, putain? Moi, j'ai pas le temps d'être productif. Je passe plus ou moins 11 heures par jour à me laver les mains. Je me dis, on sait jamais, fin novembre, j'ai quand même touché un poivron, tu vois. Quand je me lave pas les mains, je vais courir pour calmer mes angoisses, mais ça calme rien parce que je cours au ralenti, et ça m'inquiète encore plus. C'est pas normal d'être aussi lent. Au parc, il y a des canards qui courent plus vite que moi, dont un, je le connais, il est fumeur, il fait jamais de sport. Il passe devant moi, il fait, frère, ça va, il faut manger des légumes, hein. Professionnellement, je vais prendre un de ces retards de dingue. Si au moins j'arrive à me cultiver, moi j'ai 300 livres devant moi. Au début du confinement, je me suis dit, je vais sortir de là, je vais être Fabrice Lucchini. Là au mieux, je vais être Philippe Candeloro. Franchement, et je sais que Nagui, vous m'aviez dit un jour, oui, Fabrice Lucchini, c'est un mythomane. Il a lu 3 bouquins dans sa life, hein, dont l'autobiographie de Guy Montagnier. Le reste du temps, il lit que les résumés sur Babelio. Peut-être, Nagui, peut-être. En attendant, moi, j'arrive pas à me concentrer quand je lis. J'ai commencé un Fred Vargas. Je suis même pas arrivé au premier mort. Sérieux. Toutes les 4 phrases, je me dis, tiens, j'ai l'impression que le livre n'a pas la même odeur que d'habitude. Est-ce que j'ai encore le sens de l'odorat? Là, je me renifle une aisselle pendant 13 ou 14 minutes. Je me fais, Daniel, c'est toi? Et là, je me redresse en sursaut, du coup, raideur dans la nuque. Je me dis, putain, c'est un symptôme. Et je passe la fin de ma journée à essayer de respirer dans un sac en papier. Sérieux. Je lisais une interview d'un psychiatre qui disait que pour lire, il faut voir loin. Mais moi, j'ai que des objectifs à très court terme. Je me dis, aujourd'hui, ce canard, je le prends, fils de canne. Hein? Ça doit être faisable, non? J'ai des Asics, lui, il a des palmes. Ça se joue quand même sur une surface plane. Sérieux? Mais lire, c'est chaud, hein? Pourtant, j'ai appris que la vente des e-books avait explosé en France. Plus 134% sur le site de la Fnac, plus 3000% en 2 semaines pour les e-books gratuites. À part moi, tout le monde va se cultiver, putain. Même Tom Villa, il fait des chroniques culturelles. Même Tom Villa! Putain, vivement la prochaine Coupe du Monde. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. Merci, bravo, Guillermo Guise.